dans tes mains, qu'a brûlé comme moi, et manqué près Dieu, vous a toujours, toujours dit. Qu'a passé, fait que femme oublier.